Léviathan au firmament du septième art. Une star pleure dans une Rolls sur Hollywood Boulevard. Mais dans la vallée tournent les poupées. Dans cette vallée profonde où des starlettes blondes meurent d'un somnifère en trop. Un producteur se traîne à pied jusqu'à Bel Air. Son film n'a pas marché, il va se foutre en l'air. Mais dans la vallée tournent les poupées. Dans cette vallée profonde où des starlettes blondes meurent d'un somnifère en trop. Dans une partie qu'on donne à la métro Goldwyn, critique fou vient de tomber dans la piscine. Dans un motel, un jeune auteur un peu ringard écrit un truc qui obtiendra 18 Oscars. Le vieux John Wayne à Beverly devant son verre se fait projeter une fois de plus les bérets verts. Mais dans la vallée tournent les poupées. Dans cette vallée profonde où des starlettes blondes meurent d'un somnifère en trop. Le jour se lève sur le boulevard du crépuscule. La star s'endort bourrée d'alcool et de pilules. Mais dans la vallée tournent des poupées. C'est un peu la fin d'un monde où des starlettes blondes meurent d'un somnifère en trop. Une fille attend au firmament du septième art. Une star pleure dans une Rolls sur Hollywood Boulevard. Le vieux John Wayne, à Beverly, devant son verre, se fait projeter une fois de plus les bérets verts. C'est un peu la fin d'un monde où des starlettes blondes meurent d'un somnifère en trop.